Chapitre 22e. Maria ne pouvait avoir la moindre indulgence pour des personnes aussi communes, aussi peu instruites, et qui n'avaient avec elle aucune espèce de rapport d'esprit et de goût. Elle les écoutait à peine, ne leur parlait jamais, et par sa froideur soutenue, leur ôta bientôt tout espoir de liaison. Elles se retournèrent entièrement du côté d'Elinor, plus affable et plus honnête, et qu'il était plus encore pour réparer les torts de Maria. Lucie, principalement, parut s'attacher véritablement à elle, cherchait toutes les occasions de s'en rapprocher, de l'engager dans les conversations particulières, enfin de lui témoigner une amitié à laquelle un bon cœur, tel que celui d'Elinor, n'est jamais insensible. Lucie Stills, d'ailleurs, ne manquait pas d'une sorte d'esprit naturel. Ses remarques étaient souvent justes et amusantes, et pour une demi-heure, elle pouvait être une compagne assez agréable. Mais elle n'avait aucune des ressources que donne une bonne éducation. Elle était ignorante autant qu'on peut l'être. Toute sa littérature se bornait à quelques mauvais romans. Elle ne pouvait parler sur aucun sujet un peu relevé. Et malgré tous ses efforts pour paraître à son avantage et se mettre autant que possible au niveau d'Elinor, qui tâchait de son côté de se mettre au sien, il y avait trop de distance entre elles pour que Mademoiselle Dashwood pût jamais en faire une amie. Le manque d'éducation et de connaissances n'aurait pas été peut-être un obstacle insurmontable. Un bon cœur, un caractère aimable, lui aurait bien vite fait pardonner son ignorance. Mais Elinor eut bientôt remarqué chez Lucie un manque de délicatesse, de sincérité et de cette rectitude de principe qui sont la première base d'une intime liaison. Il lui fut impossible alors de trouver quelque plaisir dans la société d'une personne qui joignait la fausseté à l'ignorance, dont le manque d'instruction rendait l'entretien insipide et qui, par ses basses adulations pour les habitants du parc, dont elle se moquait ensuite avec Elinor, ôtait à celle-ci toute espèce de confiance dans l'amitié qu'elle lui témoignait. Elle aurait voulu en conséquence l'éloigner un peu plus, mais Lucie mettait tant de zèle et d'activité à se rapprocher d'elle que cela n'était pas facile. Un jour, Lucie l'avait accompagnée du parc à la chaumière. Elles étaient seules, et après quelques moments d'hésitation, Lucie dit à Elinor « Vous allez trouver ma question bizarre. Dites-moi, je vous en prie, si vous connaissez particulièrement la mère de votre belle-sœur, Madame Ferrars ?» Elinor trouva en effet la question extraordinaire, et sa contenance l'exprima en répondant qu'elle n'avait jamais vu Madame Ferrars. « En vérité, dit Lucie, c'est étonnant. Je pensais que vous l'aviez vue au moins quelques fois à Norland, et que vous pourriez me donner quelques détails sur sa manière, sur sa tournure, sur son caractère. » « Non, répondit Elinor en s'efforçant de cacher son opinion réelle sur la mère d'Edward, et n'ayant aucune envie de satisfaire ce qui lui paraissait une impertinente curiosité. « Non, je ne sais rien d'elle. » « Je vois, lui dit Lucie, en la regardant attentivement, que vous me trouvez très étrange de vous questionner ainsi sur cette dame. Mais peut-être ai-je mes raisons. Je voudrais pouvoir vous les dire, cependant j'espère que vous me rendrez la justice de croire que ce n'est point une sotte curiosité. » Elinor répondit quelques mots polis. Elles se promenèrent quelques minutes en gardant le silence. Il fut rompu par Lucie qui renouvela l'entretien en disant avec hésitation « Je ne puis supporter que vous me soupçonniez d'être une curieuse impertinente. Tout au monde plutôt que d'être mal jugée par une personne dont j'ai une si haute opinion. Et comme je suis sûre de n'avoir rien à risquer en me confiant entièrement à vous, je m'y décide. Je serais charmée aussi d'avoir votre avis sur la manière dont je dois me conduire dans une situation très délicate, très critique. Je suis très fâchée que vous ne connaissiez pas Madame Ferrars. J'en suis fâchée aussi. Dit Elinor, toujours plus étonnée. « Si mon opinion sur elle pouvait vous être de quelque utilité, mais je ne puis le comprendre. Je n'ai jamais entendu dire que vous eussiez la moindre relation avec cette famille, et je suis, je l'avoue, un peu surprise de votre excessive curiosité sur le caractère de cette dame. »« Votre surprise est très naturelle, » reprit Lucie, « et je ne dois pas m'en étonner, mais elle cesserait bientôt si j'osais tout vous dire. »« Madame Ferrars ne met certainement rien à présent, mais le temps peut venir et... » Cela dépend d'elle, ou nos relations seront très intimes. » Elle baissa les yeux avec l'air d'une aimable confusion, mais les releva bientôt sur Elinor pour observer l'effet de sa demi-confidence. « Bon Dieu !» s'écria Elinor. « Que voulez-vous dire? Êtes-vous engagée avec M. Robert Ferrars ? » Elle ne pouvait imaginer autre chose, mais elle n'était pas du tout flattée de l'idée d'avoir Lucy Steeles pour belle-sœur. « Non, répliqua Lucy, non pas Robert Ferrars, que je n'ai jamais vu, mais à son frère aîné. » Et en disant cela, son regard perçant était attaché sur Elinor, comme pour lire au fond de son âme. Qu'est-ce qu'Elinor sentit dans ce moment? Une surprise qui aurait été aussi pénible que violente si une incrédulité presque complète ne l'avait pas suivie. Elle regarda Lucy dans un silencieux étonnement, incapable de deviner le motif d'une telle confidence, et quoiqu'elle eût pâli et qu'elle se sentît très émue, elle n'eut aucune crainte de s'évanouir ou d'avoir une attaque de nerfs, et persista dans sa défiance de la véracité de Lucy. « Je vois et je comprends votre surprise, » lui dit cette dernière, « car vous ne pouviez en avoir aucune idée. Jamais il ne m'est échappé un seul mot, ni avec vous ni avec personne, qui ait pu trahir notre secret. Il a été si fidèlement gardé par moi que pas un seul de mes parents ni de mes amis, excepté Anna, ne peut s'en douter. Et jamais je ne vous l'aurais confié si je n'avais pas eu la certitude de votre discrétion et si je n'avais pas été entraîné par la crainte que mes questions sur Madame Ferrars ne vous parussent aussi trop ridicules. Quant à M. Ferrars, je ne crains nullement qu'il soit fâché de ma confiance envers une personne qu'il estime autant. Je connais la haute opinion qu'il a de toute votre famille, et je sais qu'il vous regarde, vous et Maria, comme des sœurs. » Elle s'arrêta. Elinor aussi garda quelque temps le silence. Son étonnement était trop grand pour pouvoir lui répondre. Mais enfin, elle s'efforça de parler tranquillement et dit avec assez de calme. « Puis-je vous demander si votre engagement existe depuis longtemps ?»« Oh oui, bien longtemps, il y a 4 ans. »« 4 ans ?» « Oui, j'étais bien jeune alors, et c'est mon excuse. »« Je ne me suis pas douté, » dit Elinor, « que vous le connussiez jusqu'à l'autre jour que votre sœur en parla. »« Oui, la pauvre Anna, je tremble toujours qu'elle ouvre la bouche. »« Notre connaissance est cependant de vieille date. »« Elle a commencé lorsqu'il était près de Plymouth sous les soins de mon oncle. »« De votre oncle ?»« Oui, Monsieur Pratt, son tuteur, chez qui sa mère l'avait placé. »« Est-ce qu'il ne vous a jamais parlé de Monsieur Pratt ?» « Oui, je me le rappelle, » répondit Elinor, avec une force d'esprit qui s'augmentait ainsi que son émotion. « Il a vécu près de 5 ans chez mon oncle à Longstaple, près de Plymouth, depuis 15 ans jusqu'à 20. C'est là où notre connaissance a commencé. Ma sœur et moi, nous étions souvent chez notre oncle. Notre engagement s'est formé une année après qu'il fut hors de tutelle, et il avait alors 21 ans. Il en a 25 à présent, et nous ne sommes pas plus avancés, parce que quoiqu'il soit majeur et que son engagement soit valable, il dépend entièrement de sa mère pour la fortune. Sans doute j'eus tort de consentir à ce qu'il s'engageât sans l'aveu et l'approbation de sa mère, mais j'étais trop jeune, et je l'aimais trop pour être aussi prudente que je l'aurais dû. Quoique vous ne le connaissez pas aussi bien que moi, Miss Elinor, vous l'avez vu assez souvent pour convenir qu'il a tout ce qu'il faut pour attacher sincèrement une femme qui préfère les qualités de l'âme et de l'esprit aux avantages frivoles. « Certainement, » dit Elinor, sans réflexion et entraînée par la vérité de cette assertion. Mais cette vérité même renouvela ses doutes sur la sincérité de Lucy et sa confiance en l'honneur et l'amour d'Edward. « Engagée avec M. Ferrars, » reprit-elle, « je vous avoue que je suis tellement surprise de ce que vous me dites que... Je vous demande 1000 pardons, mais il y a sûrement quelque erreur de nom. Nous ne parlons sûrement pas du même M. Ferrars. » « Nous ne pouvons parler d'un autre, » dit Lucy en souriant. « Monsieur Edward Ferrars, le fils aîné de Madame Ferrars de Park Street, le frère de votre belle-sœur, Madame Fanny Dashwood. Voilà celui que j'entends, et vous m'accorderez, je pense, que je ne puis pas me tromper sur le nom de celui de qui mon bonheur dépend. » « Il est étrange, » dit Elinor, « que je n'ai jamais entendu parler ni de vous ni de votre sœur. Mais non, pas du tout. Si vous considérez notre position... « Rien n'est moins étrange. Notre premier soin à tous deux était de cacher entièrement notre secret. Vous ne connaissiez ni moi ni ma famille. Il n'avait donc aucune occasion de me nommer devant vous. Il avait surtout un extrême effroi que sa sœur n'eût quelques soupçons. Il valait mieux laisser ignorer et mon nom et mon existence jusqu'à ce qu'elle fût tout à fait liée à la sienne. » La sécurité d'Elinor commença à diminuer, mais non pas son empire sur elle-même. « Vous êtes donc engagé avec lui depuis 4 ans, » dit Elinor d'une voix assez ferme. « Oui. et le ciel sait combien nous attendra encore. Ce pauvre Edward, il est près de perdre patience. » Sortant alors de sa poche une petite boîte à portraits, elle ajouta « Pour prévenir tout soupçon d'erreur et vous prouver que c'est bien votre ami Edward que j'aime et dont je suis aimé, ayez la bonté de regarder cette miniature. Sans doute elle lui fait tort, mais il est cependant très reconnaissable. Il me l'a donnée il y a environ 3 ans. » Elle la mit en parlant entre les mains d'Elinor, qui ne put alors conserver de doute sur la véracité de Lucie. C'était bien Edward. C'était ses traits si bien gravés dans son cœur et dans son souvenir. Elle le rendit en étouffant un profond soupir et en convenant de la ressemblance. « Je n'ai jamais pu, continua Lucie, lui donner le mien en retour, ce qui me chagrine beaucoup, car il le désire passionnément. Mais je suis décidée à présent à saisir la première occasion de me faire peindre pour lui. Vous qui peignez si bien, chère Elinor, si sous le prétexte de le faire pour vous-même, vous étiez assez bonne... » « Je ne me suis jamais appliqué à la ressemblance, » dit Elinor, « mais vous trouverez sûrement d'autres moyens, et vous en avez tout à fait le droit. » Elles marchèrent quelque temps en silence. Lucie parla la première. « Je ne doute pas, » lui dit-elle, « de votre fidélité à garder un secret dont vous devez sentir toute l'importance. Nous serions perdus si sa mère venait à l'apprendre. Elle ne consentira jamais volontairement à cette union. » Je n'ai ni rang ni fortune, et je la crois très haute et fort avare. Je n'ai certainement pas cherché votre confiance, répondit Elinor, et vous me rendez justice en croyant que je ne la trahirai pas. Votre secret est en sûreté avec moi. Mais pardon si je vous exprime ma surprise d'une confidence inutile. Vous auriez dû sentir que de me le dire n'ajoutait rien à cette sûreté. Et vous ne connaissez pas depuis assez longtemps la belle-sœur de Madame John Dashwood, pour être parfaitement sûr qu'elle ne soit pas indiscrète. À présent, je puis vous rassurer, mais je ne le pouvais pas avant de le savoir. » En disant cela, elle regardait fixement Lucie, espérant de découvrir quelque chose dans son regard, peut-être la fausseté d'une grande partie de ce qu'elle avait dit. Mais sa physionomie ne changea pas du tout. Elle serra doucement la main d'Elinor. « Je crains, lui dit-elle, que vous ne trouviez que j'ai pris avec vous une trop grande liberté. » En vous confiant ma situation. Je ne vous connais pas depuis longtemps, il est vrai, pas du moins personnellement, car je connaissais parfaitement et vous et toute votre famille depuis bientôt des années, par tout ce que m'en avait dit Edward. Aussi, dès le premier instant où je vous ai vu, il m'a semblé que je voyais une ancienne connaissance, et puis pensez comme je suis malheureuse. Je n'ai pas une amie à qui je puisse demander des conseils. Anna est la seule personne qui sache ma position, et vous avez pu vous apercevoir qu'elle n'a aucun jugement. Elle m'est plutôt à charge qu'utile et me met continuellement en crainte sur notre secret. J'eus une affreuse émotion l'autre jour quand Sir George nomma Edward. Je crus qu'elle allait tout dire. En vérité, je m'étonne que je vive encore après tout ce que j'ai souffert pour lui pendant ces 4 années. Toujours en suspens, en crainte, en incertitude. Le voyant si rarement, nous nous rencontrons à peine 2 fois l'année. Je ne comprends pas que mon cœur ne soit pas brisé. » Ici, elle mit son mouchoir sur les yeux. Mais Elinor, à l'ordinaire si bonne, si compatissante, ne se sentit pas la moindre pitié. « Quelquefois, continua Lucie, je pense qu'il vaudrait mieux pour tous deux rompre entièrement. Mais je n'en ai pas le courage. Je ne puis supporter la pensée de le rendre si malheureux et... je sais que cette idée seule aurait cet effet. D'ailleurs, il m'est si cher à moi-même. Je ne crois pas que cela me soit possible. Quelle est là-dessus votre pensée, mademoiselle Dashwood? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? » Et toujours, son regard perçant était attaché sur elle. « Pardonnez-moi de grâce, » répondit Elinor. « Il m'est impossible de vous donner de conseils dans de telles circonstances. Votre propre jugement doit vous diriger. » « Il est sûr, » dit Lucie, après quelques minutes, « que sa mère ne l'abandonnera jamais entièrement. Elle est si riche que même en diminuant sa fortune de moitié, il lui restera encore de quoi vivre, et pourvu que je vive avec lui, le plus ou moins m'est bien égal. Mais le pauvre Edward se désole de ce que rien ne se décide. Ne l'avez-vous pas trouvé bien triste quand il est venu ici? Il était si abattu, si malheureux quand il me quitta Longstaple, que je tremblais que vous ne le crussiez très malade. » Venait-il de chez votre oncle quand il nous a fait visite ? Oh oui, sans doute. Il a passé 15 jours avec nous. Avez-vous cru qu'il venait de la ville ? Non, répliqua Elinor, toujours plus frappée des preuves de la véracité de Lucie. Je me souviens qu'il nous dit qu'il avait passé 15 jours avec des amis près de Plymouth. Elle se rappela aussi sa propre surprise dans le temps de ce qu'il ne parlait plus de ses amis et semblait même éviter de prononcer leur nom. Avez-vous remarqué son abattement ? Dit Lucie. Oui, en vérité, principalement à son arrivée. Je l'avais supplié cependant de surmonter sa douleur, de peur de vous donner des soupçons. Mais il était si triste de ne pouvoir passer plus de 15 jours avec nous, et il me voyait si affecté. Pauvre Edward. Je crains qu'il ne soit encore dans le même état. Ses lettres sont tout à fait mélancoliques. J'en ai reçu une de lui la veille de mon départ d'Exeter. Elle la tira d'un portefeuille et négligemment laissa voir l'adresse à Elinor. Vous connaissez sûrement sa main, lui dit-elle. Son écriture est charmante, mais elle n'est pas aussi soignée qu'à l'ordinaire. Il était fatigué car le papier est complètement rempli. Elinor vit que c'était bien de la main d'Edward et ne put plus conserver de doute. Le portrait pouvait avoir été obtenu par quelque hasard, mais une correspondance suivie était une preuve positive de leur attachement. Aucune autre raison ne pouvait l'autoriser. Pendant quelques moments, elle fut sur le point de se trahir. Son cœur battait avec violence, elle pouvait à peine marcher. Mais elle combattit avec tant de force contre son sentiment que le succès fut prompt et complet et que même le regard perçant de sa compagne ne put pénétrer dans son intérieur. Nous écrire continuellement l'un à l'autre, dit Lucie en renfermant sa lettre, est le seul moyen de nous consoler dans nos longues séparations. Moi cependant j'en ai un autre dans son portrait, mais le pauvre Edward en est privé. Il dit que s'il avait le mien, il serait moins malheureux. Je lui ai, du moins, donné dernièrement une boucle de mes cheveux renfermée dans le cristal d'une bague. C'est un dédommagement, mais non pas tel qu'un portrait. N'avez-vous fait aucune attention à cet anneau ? Le portait-il à Barton ? Oui, dit Elinor, d'une voix ferme avec laquelle elle cherchait à cacher une émotion et une souffrance telle qu'elle n'en avait point encore éprouvée. Elle était à la fois désolée, blessée, mortifiée, confondue. Elle éprouvait tout ce qu'il y a de plus cruel et de plus déchirant. Heureusement, elles arrivèrent à la chaumière, et la conversation finit. Après s'être reposée quelques minutes, Mademoiselle Stiles retourna au parc, et la malheureuse Elinor fut en liberté de se livrer à ses tristes réflexions.